L'un de nous deux. Blum et Mandel, 27-28 juin 1944. De Jean-Noël Jeannet. Le salon d'une maison étroite de petits bourgeois allemands. Meubles vulgaires, rideaux fanés. Les fenêtres sont partiellement obstruées par des planches de bois clouées à l'extérieur. Par les interstices, on aperçoit plus loin une palissade surmontée de fils de fer barbelés, devant laquelle passe par moments la silhouette d'un soldat SS avec un chien en laisse. Sur un buffet, un poste de radio d'un modèle ancien, cheminée avec des bibelots et le buste de Clémenceau par Sicard. À gauche, un billard. Sur un guéridon, un phonographe. Des cartes sur une table de jeu. Ailleurs, des journaux empilés. Le matin, Paris Soir, des quotidiens allemands. Léon Blum puis Georges Mandel entrent du côté court. On aperçoit un instant dans la pièce qu'ils quittent une table de salle à manger, non desservie. Non. Non, Mandel, non, croyez-moi, vous n'auriez pas dû, vous l'avez humilié. Humilié? Le prisonnier a humilié son garde-chiourme, la belle affaire. Avez-vous vu son visage avant et après? Vous l'avez cinglé, de vous? Jamais. Il a chaviré. Quelle autre arme dans cette geôle? Mépris, mépris, mépris. Quelle autre arme? La même qu'ailleurs, la même que toujours. Écoutez, parlez, convainc. Je l'observais pendant qu'il vous proposait ses livres. Depuis des mois, je le regarde, nous regarder, avec cet air d'enfant poussé trop vite, avec la blessure de son corps. Vous n'avez pas vu le coup d'œil qu'il a jeté à la ronde? Vous n'avez pas vu comment il a vérifié qu'il était seul avec nous et que le commandant ne risquait pas de surgir? Vous n'avez pas vu sa rougeur quand il vous a parlé en français et Voltaire et Victor Hugo qu'il poussait devant lui? On aurait dit qu'il les convoquait pour protéger son audace de timide et peut-être son chagrin ou bien sa honte. Sa honte, la belle affaire. Il n'est pas différent des autres. Comme tous les autres, il est l'Allemagne. L'Allemagne qui nous enferme, l'Allemagne qui nous exècre. C'est au nom des autres qu'il peut ouvrir cette porte, n'importe quand, pour nous annoncer que le jeu est fini. Je le vois déjà, il sera pâle. Il avancera comme un pantin au geste raide. Il sera dérisoire et glacé. Il se dirigera vers l'un de nous deux. L'un de nous deux. Tous les deux, peut-être. Et il nous fera coller au mur. À moins qu'il nous fasse suspendre un croc de boucher. Oh! Alors ces états d'âme, vous savez... À lui tout seul, comme tous les autres, il est le mal. Il est la mort. Il est la barbarie des barbelés. Il est ce camp tout proche. On martyrise, on torture, on tue. Ce camp d'où le soir nous viennent ces odeurs. Ces odeurs. Cet homme a sa part entière. Entière. Dans cette inhumanité radicale. Oh non, non, ne dites pas cela. C'est trop d'abstraction. Non, ce garçon n'est pas l'Allemagne à lui tout seul. Il en est solidaire, peut-être, mais il n'en est pas forcément complice. Laissez-le s'évader de cette responsabilité-là, où les nazis l'enferment. Acceptez sa bonne foi et sa maladresse. Cette manière dont soudain il nous a parlé en français avec ses mots qui se bousculaient, c'était comme une force comprimée qui jaillissait. Il tâtonnait, il cherchait. Sa dignité. Sa dignité? Mais je n'ai que faire de ses remords, de ses regrets, de son malaise. Je n'ai aucun goût, pardonnez-moi, de lui fournir un confort moral. Une bonne conscience. Sa dignité. Je ne suis comptable que de la mienne, figurez-vous. Le bourreau au cœur tendre, très peu pour moi. Je revois son regard sur vous quand vous avez franchi cette porte. Plus d'un an déjà. 13 mois et 19 jours. Nous étions épuisés d'anonymat. J'ai eu un sentiment étrange. Visiblement, il savait qui vous étiez, en France, votre place. C'est comme si, du coup, timidement, il vous rendait un peu à vous-même. Et moi avec. Me rendre à moi-même. Grand merci, je ne me suis jamais perdu. Dans aucun des cachots de Pétain et d'Hitler. Ni à Chazeron, ni à Pellevoisin, ni à Aubenas, ni à Valls, ni au Portalet, ni à Oranienburg. Quand même, je suis étonné que vous ne fassiez pas la part des choses, la part de cette formidable pression de la dictature sur tous et sur chacun, donc sur ce garçon. La dictature ? Cet homme en est comptable. On est toujours comptable du mal accompli quand on ne rompt pas radicalement. On est aussitôt coupable, sans rémission. Oui, je connais la grandeur de cette morale. J'ai été si souvent obsédé par le devoir de m'y tenir. Et pourtant, j'ai jugé quelquefois, et ce n'était pas forcément facile, que le courage était ailleurs. Dans le compromis ? Le compromis ? Non. Comment dire ? Dans l'énergie de proximité. Je me souviens que Jaurès... Ah, halte. Ah oui, j'ai encore un gage. Je me demande par quelle faiblesse j'ai pu consentir à ce jeu. C'est parce que vous m'avez pris par traîtrise ou par le rêve, en fixant comme enjeu ce déjeuner en tête-à-tête au Café de la Paix quand nous reviendrons à Paris. C'était à dessein. Bien sûr, les boulevards, les théâtres, l'opéra, je connais, vous savez, vos nostalgies au plus profond. Le Café de la Paix. La dernière fois que j'y suis allé, je crois que c'était en mars 40. Ils m'ont empoisonné avec un œuf à la coque. Sous prétexte que j'étais ministre des colonies, ils avaient dû penser que j'aimais les œufs pourris. Ils confondaient la Chine et l'Indochine. Toute l'ignorance française de la géographie. Cela m'a coûté 2 jours de lit, à transpirer sous mon édredon. J'avais pourtant autre chose à faire. Vous voyez qu'il m'arrive de pardonner les offenses. Tout de même, avec votre jeu diabolique, vous avez placé la barre trop haut, ou trop bas. Citer Jaurès moins de 3 fois par jour, c'est trop difficile pour moi. Et voyez comme je vous passe, Clémenceau. Clémenceau. J'y pense tellement plus souvent que je n'en parle. C'est d'ailleurs au fond un hommage que je lui rends en ne le citant pas. Je suis fidèle à ses pudeurs, son laconisme, tout ce qu'il fallait pour mettre en scène sa magnifique capacité d'agir. D'agir ? Oui. Oui, je sais, ses coups de boutoir, ses foucades, ses emportements. Je me suis demandé parfois s'il ne confondait pas la parole avec l'action. C'est souvent la même chose. Tout dépend de la parole. Bon, allons, allons. Je n'ai pas le goût de vous chicaner à nouveau sur ce point aujourd'hui. Mandel, avons-nous agi ? Avons-nous créé ? Je veux dire, pour le durable. Vous, je ne sais pas. Mais moi, j'y suis parvenu quelquefois. Par exemple, quand j'étais ministre des colonies, en faisant construire ces émetteurs en ondes courtes qui vont nous permettre, dans quelques minutes, d'écouter le relais de Radio Paris. Je m'étonne encore que nos maîtres nous aient accordé ce poste de radio il y a 2 mois. Même bloqué sur les stations asservies. Nous l'avions tellement demandé sans succès. Ça ne peut pas être pour nous convaincre tout de même. Ils ne sont pas si sots. Pour nous inquiéter sur l'issue de la guerre. Depuis 3 semaines que les Américains ont débarqué en Normandie, la tâche est devenue surhumaine. Je ne vous ai pas dit la clé du mystère? Non. Devinez. Aucune idée. J'ai fait chanter le commandant. Quoi? Mais comment? Mais c'est indigne. Mais non, efficace. Je ne comprends pas. Vous le connaissez comme moi. Vous avez pu l'observer comme moi. Comment le voyez-vous? Comment je le vois? Vous voulez une fiche de police? Un brutal craintif. Catégorie fruste. Il doit fréquenter rarement Goethe et German, malgré la proximité de Weimar à 10 km d'ici. Beaucoup de bière, peu de sucre. Il a l'obsession du front russe, dont sa blessure à la jambe l'a protégé jusqu'ici. Il boite bas, plus bas peut-être quand survient l'inspection mensuelle. C'est le moment aussi où il se fait plus tatillon, où il nous harcèle au quotidien. Capricieux pour vérifier que son petit pouvoir dérisoire tient bon, lâche à la fois par tempérament et par situation. Oui, c'est assez cela. Mais il ajoute volontiers de l'eau de vie à sa bière. Il y a quelques semaines, il m'a fait venir chez lui. Il s'agissait de nous imposer je ne sais plus quelle vexation nouvelle. Il voulait se donner le plaisir de me la détailler. Le SS qui m'a conduit à sa villa m'a laissé un moment seul dans son antichambre. Il a accroché la laisse de son chien au bouton de la porte et il est allé compter fleurettes à la servante, cette grosse fille qui vient parfois balayer ici. La porte qui conduit à la cave ouvre dans cette pièce. Le commandant devait se croire seul. Soit qu'il ait oublié ma présence, soit que j'ai été amené là plus tôt que prévu. Et alors? Je l'ai entendu monter l'escalier de la cave. Il sifflotait. Une chanson à boire, style brasserie de Munich. Sa démarche était plus assurée que d'ordinaire. J'ai reculé d'un pas, je me suis dissimulé dans l'embrasure de la fenêtre. Il a traversé la pièce sans me voir pour aller dans son bureau. Il avait une bouteille de schnapps dans la main. Et j'ai été surpris. Sa claudication avait disparu. Simulateur? Évidemment. Au moment où il tournait la poignée de la porte du bureau, j'ai fait un pas en avant. Sans dire un mot, il m'a vu. Il s'est troublé. Je l'ai regardé fixement. Je croirais y être. Vous étiez de glace. Son trouble a grandi. Et vous devinez la suite. Le poste de radio contre votre silence. Moi, je n'aurais pas pu. Enfin, je ne crois pas. Et pourquoi pas? Le chantage. Dans ce cas, je vais devoir écouter tout seul M. Philippe Henriot. Après tout, vous ne perdrez pas grand-chose. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Il me semble pourtant que vous pourriez faire une entorse à votre rigueur morale en faveur d'un de nos plus éminents collègues du Palais Bourbon. 2 exceptions par jour, matin et soir, c'est beaucoup. De M. Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information. Moyen julien le sein récidive. Sans doute est-il si heureux de la réclame que j'ai pu lui faire. Il la soigne de son mieux et me sollicite en redoublant d'injures de la nuit continue. Je saurais dire à quel point sa triste prose me conspire. Je voulais rester insensible à tant de mauvaise foi, à tant de méprisables diffamations, à tant de basses excitations. Que Julien le sage soit heureux, je n'y parviens point. De manière que je m'étrangle, il m'en est plus. Quand le sage répète que mes auditoires sont squelettiques au grand jeu de mon amour propre, je ne me sens pas blessé. Et s'il demande aux princes de France qui m'ont fuyard de l'espèce, le savent. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit, c'est parce que je tiens à la vérité. Ce que je sache, je tiens voir à ses patrons. La France est avec lui. Que dirait-on si l'on savait que la France nous montrait là des crimes de la résistance et des bombardements anglo-saxons, acclame les manifestations où des milliers de Français sont rassemblés, la politique du maréchal et son gouvernement. Alors, le citoyen le sache, déclare, il y a Dieu merci, encore quelques Français qui ont échappé aux dénonciations de Philippe Andrieux, qui peuvent témoigner qu'ils vivent dans la terreur du ressentiment des patriotes, de la protection des policiers civils et de l'armée allemande. Mais tout tant pis. Nous avons eu notre dose. C'est étrange. Son talent était manifeste, déjà avant la guerre. Mais maintenant, il semble mûri par la haine. Sa rhétorique est habitée par une sorte de détermination sourde. Sa traîtrise est rendue plus odieuse par son talent. Il a perdu la partie, il le sait. Mais il tient bon. Et son éloquence est une des dernières cartes de Vichy à Paris. Que ne le fait-on taire ? Le faire taire ? Quels esprits peut-il encore égarer ? Il suffit qu'il justifie quelque lâcheté au moment du sursaut final. Une dénonciation ultime à l'occupant, une résistance affaiblie pour que ce talent soit souillé, perverti, ignoble. Mitraillette. Vous le feriez tuer sans trembler ? Un acte de guerre, peut-être, mais une punition. Il faudra demain chasser tous les indignes de la vie publique, mais refuser ces représailles qui dégradent tout le monde. Il faut traquer la part de bonne foi chez l'égaré. Ne jamais oublier les circonstances qui ont contribué à le tromper sur son devoir. La mort d'un homme, même s'il est ignoble... Nous sommes en guerre. Rappelez-vous, mitraillette. Vous me faites froid à l'âme, quelquefois. Quand Pétain vous a traîné au procès de Rion, j'ai salué, depuis ma cellule, la manière dont vous l'avez souffleté, lui et sa clique, et les généraux vaincus, en démontrant, avec Daladier, comment le Front populaire avait réarmé la France, et que c'était eux qui l'avaient perdu. J'ai aimé votre violence contenue. Vous n'avez pas oublié. Je n'ai pas oublié. Mais en Rio... Ma violence à moi serait plus directe que la vôtre. Mitraillette. Brrr, voilà qui est sans nuance. Le laconisme clémenciste, décidément. Que dirait donc Jaurès ? Il chercherait d'abord des motifs d'être indulgent. L'indulgence n'est pas loin de la complaisance. Oh non. Il ne les a jamais confondus. Il y a tant de mérite à l'intransigeance, tant de facilité dans le compromis. Vous me faites songer à la première fois où j'ai vu Clémenceau et Jaurès ensemble. Il doit y avoir tout juste un demi-siècle de cela, en 1894, je crois. Vous étiez en culotte courte. Je n'ai jamais porté de culotte courte. Oui, oui, je sais. Déjà un col à mi-donné avec des gants de filoselle. Moi, en tout cas, j'étais un grand garçon, je venais d'entrer à la Revue Blanche. Et j'étais presque tous les jours au théâtre. Ce soir-là, à l'atelier, chez Luniepo, on jouait la nouvelle pièce d'Ibsen qui se passait dans une ville d'eau en Norvège. Un ennemi du peuple. Vous l'avez vu ? Non. J'ai travaillé plus tard pour rattraper. Alors vous vous rappelez l'histoire. Ce médecin qui découvrait que les sources de la station thermale où il travaillait étaient polluées et que les malades repartaient plus malades encore qu'en arrivant. Ça n'était pas le but de l'opération. Le médecin se précipitait chez le rédacteur en chef du journal de la ville et il en obtenait sans peine la promesse d'un grand titre pour le lendemain. Sur quoi, naturellement ? Naturellement, le journaliste changeait d'avis, sous l'influence du préfet, des propriétaires des établissements de bains et de l'association des commerçants. Quant au héros, il essayait en vain de réunir des citoyens pour les entraîner et il en recevait des pierres. Tous, sauf un homme ivre, le décrété ennemi du peuple. Et il avait ce commentaire: il ne faut jamais mettre son meilleur pantalon quand on va défendre la liberté et la vérité. Juste sentence. Eh bien, je me rappelle avoir assisté au moment de l'entracte dans le foyer à une discussion entre Jaurès et Clémenceau. Une discussion magnifique, passionnée, qui a rebondi ensuite, à la fin, devant le vestiaire. Passionnée et passionnante. Ce qui était en cause, c'était précisément la question des vertus de l'intransigeance et des mérites du compromis. Peu à peu, on a fait cercle autour d'eux, et je crois que l'un et l'autre soufflaient sur la flamme de sa propre conviction pour arracher des approbations. Du théâtre dans le théâtre. Je m'étais mis un peu en retrait, appuyé contre une colonne. Je les regardais plus encore que je ne les écoutais. La calvitie de Clémenceau reflétait la lumière du gaz, mobile, dansante. C'est la première fois que j'observais comment son éloquence se nourrissait d'un contraste étrange entre le coupant de ses propos et la chaleur qui les inspirait. Une chaleur qui débordait ses ironies. Il était bref dans ses phrases et dans ses gestes. Oui, oui, toujours. Avec une sorte de vibrato que je n'ai connu qu'à lui. Et en même temps, il y avait quelque chose de méprisant par moments dans les interjections, les formules qu'il jetait en avant. Oh, du mépris, oh oui, il le dispensait généreusement. Il faut dire que les motifs de le distribuer lui ont rarement manqué. Mais à l'adresse de Jaurès, jamais, je peux en témoigner. Plutôt un mélange de condescendance et de considération cachée. Ce soir-là, tous ceux qui étaient présents ont eu le sentiment d'un moment rare, exceptionnel. L'a-t-il été pour Clémenceau? Je n'en suis pas sûr. Il se défendait tellement contre tout abandon. Sa vivacité n'ouvrait pas sur son âme. Je ne sais pas ce qu'il éprouvait au fond. Mais Jaurès en tout cas rayonnait du plaisir de cet échange, avec cette manière unique qu'il avait de se saisir de l'interlocuteur comme si lui seul existait, de l'envelopper de sa rhétorique. Et leur désaccord, c'était quoi ? Le débat s'est concentré tout de suite sur l'attitude du rédacteur en chef et sur sa palinodie du jour au lendemain. Évidemment, tous les deux s'accordaient pour blâmer le manque de courage du bonhomme. Mais leur sévérité différait de degré. Jaurès s'inclinait presque à lui pardonner, compte tenu du poids du profit, en attendant que ce régime de l'argent roi soit culbuté un jour prochain. Il en faisait une victime plutôt qu'un coupable. Et Clémenceau ? Clémenceau, au contraire, ne trouvait aucune excuse au journaliste. Il disait que la force première est celle du témoignage, sur le champ et pour la suite. Il expliquait que la théorie des circonstances dont on abuse entrave toujours l'énergie et sert l'indulgence. Une indulgence où il voyait l'antichambre de tous les abandons. Rien de plus vrai. Et que répondait donc Jaurès ? Il a pris une position moins solennelle que Clémenceau, et que vous-même ce soir. Une position qui m'a paru plus généreuse parce qu'elle était moins facile. Il n'aimait pas le don quichotisme. Il a demandé à quoi servirait une presse qu'on ne lirait pas si elle prenait l'opinion à contre-courant. Aucun lecteur a persuadé, puisqu'on n'en aurait plus. sinon sa femme, et encore. Il y a toujours quelqu'un à persuader. Tout de même, la dépravation morale de la presse depuis le siècle dernier, ce n'est pas seulement une addition de défaillances individuelles. Les fripouilleries, les chantages, les plumes vendues aux plus offrants, vous les avez rencontrées comme moi, forcément, tout au long du chemin. Oui, mais j'ai admiré aussi dans les journaux militants une foule de talents et de dévouements désintéressés. Rarement dans la presse à gros tirage, celle qui pesait à la fois sur les élites et sur les foules. Jaurès ne disait pas autre chose. C'est dans la structure capitaliste des journaux qu'il faut chercher la cause d'une pourriture qui a joué un rôle ravageur dans la dégradation et l'effondrement de la République. Cette infamie quotidienne, c'est l'occupation qui la modèle. Ce sont les Allemands qui la imposent. À Paris Soir, quand ils sont arrivés, ils ont été obligés d'aller chercher le garçon d'ascenseur pour le nommer directeur, faute de trouver un plumitif à ses services. Mais un liftier n'avait connu une ascension aussi rapide. Il y avait donc eu des sursauts moraux chez les autres. Allons, allons. Vous pourriez dresser comme moi en quelques instants une liste de gens de presse qui se sont rués dans l'ignominie. Le milieu, mais non. Une par une, des voleries individuelles. Et si vous me citez les courageux, et il y en a, vous confirmez du même coup que la liberté de chacun reste intacte. Le décor a changé depuis 40, mais les ressorts psychologiques et moraux sont les mêmes. Individuels. Et pourtant, les tentations sont collectives. Je crois savoir que pendant la guerre, entre 17 et 19, Clémenceau vous avait délégué l'action sur la presse et que vous disposiez des fonds secrets pour... séduire. Pour corrompre. Vous pouvez lâcher le mot. Oui, j'ai arrosé les folliculaires à la ronde, mais je ne crois pas que cela ait changé grand-chose à l'histoire. Les enveloppes, qui d'ailleurs étaient maigres, allaient au plus médiocre, ceux qui pesaient le moins. En arrivant à Matignon, j'ai été stupéfait d'apprendre l'existence des mensualités que les rédacteurs diplomatiques venaient chercher au Quai d'Orsay. Et en même temps, j'ai été étonné de leur montant. Elles étaient aussi chiches que régulières. Sans aucun effet d'ailleurs sur les articles. L'un d'eux nous a expliqué que pour nous être utiles, il fallait absolument qu'ils ne cessent pas de nous critiquer. Car sinon, cette volte-face serait repérée et il perdrait toute l'influence qui pourrait un jour nous être utile. Cela m'a fait rire. Ben, c'est muscade. En fait, c'était surtout une manière pour les ministres de se bercer de l'idée qu'ils pouvaient combattre de cette façon, dans les journaux, l'influence des sommes répandues par les banques et les industriels. C'était évidemment illusoire. Sauf à l'étranger, parfois. Tellement les sommes étaient disproportionnées. D'un côté, de petites noisettes thésaurisées à grand-peine, de l'autre, un tonneau sans fond. Vous voyez bien qu'on aurait pu casser facilement la machine, au moins de ce côté-là. Quant au milieu d'affaires, c'est bien Jaurès qui avait raison. L'argent roi, le marché, le marché, le marché. Vous me rappelez Bretige ou Antoinette. Le poumon, le poumon, le poumon, vous dit. Oui, sauf qu'ici, le malade n'était pas imaginaire. L'organisme était rongé par le microbe du profit comme seule obsession. Au fond, pour Jaurès, il s'agissait de tout sauf d'un débat académique. Il craignait pour les journaux, comme ailleurs, la bonne conscience du juste, du héros d'Ibsen. Pour être efficace, il ne suffit pas de témoigner à tout risque. Pourtant, le témoin, c'est-à-dire éventuellement le martyr, a toujours pesé fort sur les consciences. Il faut éclairer la route, bien sûr, mais si l'éclaireur marche trop loin devant les troupes, elles vous perdent de vue. Et alors, à quoi bon? C'est curieux comme Jaurès aimait les métaphores militaires. Vous ne lui reprochez tout de même pas, j'imagine, d'avoir toujours pensé, et jusqu'au drame final, que la pensée stratégique ne devait jamais être abandonnée aux généraux, contrairement à la tentation ordinaire des démocraties. Clémenceau lui-même. Bien sûr que je l'en approuve, mais attention à ne pas ratifier l'affreuse formule. Je suis leur chef, il faut bien que je les suive. Affreuse? Je ne sais pas, pas toujours. Le peuple, très souvent, a raison contre les élites. On ne le saura en tout cas que si on l'écoute. Dans cette controverse, c'était la conviction de Jaurès devant Clémenceau. Il pensait au fond, comme Valérie, que l'homme seul est en mauvaise compagnie. Mais non, ce n'est qu'un mot. Laissez donc Valérie au fronton du Trocadéro. L'homme seul est le plus libre, au contraire. Surtout quand il s'agit de dire non, à toutes fins utiles et en prenant tous les risques. Seul d'abord, dans un premier temps, mais souvent prophète pour la suite. Et puis après tout, on a bien droit à cette jouissance si elle est là. C'est une petite compensation pour toutes les flèches dont on est percé. Voyez ce personnage que nous avons salué et rallié, vous et moi séparément depuis nos cachots, moi presque aussitôt, vous plus tard. Vous pensez à un militaire ? Mais non, à un politique. Le geste du 18 juin, rupture brutale avec un milieu. En apparence, s'extraire d'une hiérarchie de soldats, c'est le plus dur. Mais je me demande si c'est vrai, au fond. Quand le nom s'impose, quand il est irrésistible, on sort du jeu d'un seul coup, avec toutes ses contraintes. Liberté magnifique, évidemment. Mais parfois presque trop facile. Facile, tiens donc. À Vichy, le 10 juillet 40, j'aurais pu ne pas me contenter de voter non sur les pleins pouvoirs à Pétain. J'aurais pu parler. Probablement pas à la tribune à cause des sicaires de Laval, mais au moins à la presse. Peut-être aurais-je dû le faire. Mais mon parti était coupé en deux. J'ai voulu préserver les chances de le trouver plus tard réuni. Pour un soldat, le tout ou rien, oui. Pour un homme public, c'est autre chose. Vous-même, vous auriez crié plus fort un refus si vous aviez été là, si ces misérables ne vous avaient pas piégé au Maroc. Il serait outrecuidant que je le dise, mais c'est ma fierté de le croire. Vous échappiez aux attaches partisanes, à leur mesquinerie, mais aussi à leur noblesse. Électron libre. De Gaulle était un électron libre bien plus que moi. Je le suivais du regard depuis plusieurs semaines sur les routes de notre exode. Je revois son maintien dans nos conseils des ministres au bout de la table. Il était déchiré entre un désir chancelant de respecter encore les leaders, le désespoir de ne plus le pouvoir et l'attente fiévreuse de jouer sa partie personnelle. De là à jouer seul. Vous l'avez revu après l'effondrement de Reynaud et l'émergence de Pétain ? Oh oui, il est venu me voir. Sa résolution de l'exil était-elle prise ? Hésitait-il encore ? Son instinct sûrement pas. Son intelligence, peut-être. Quand il m'a quitté, il était magnifique d'intensité sous les gestes de sa gaucherie. Vous me croirez peut-être, j'ai eu le sentiment de lui avoir passé le relais au nom de Clémenceau. Mais vous-même, pourquoi pas vous-même ? Vous étiez libre des haines qui entouraient le Front populaire. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. J'étais juif. Vous le saviez ? Eh oui, figurez-vous. Et pourtant, notre histoire ne manque pas de prophètes, que je sache. À propos de De Gaulle, je vous dois un aveu à mon tour. Je vais vous dire ce qui m'inquiète chez lui, quand je pense à la suite, après la victoire, après la libération du pays, quand je l'observe de loin, à travers nos barreaux. C'est cette difficulté à se mettre de plein pied avec les autres. Peut-être cette incapacité. Et c'est pourtant exactement ce que les temps de paix exigent des élus parmi les citoyens. Qu'ils n'oublient jamais qu'ils ne reçoivent du peuple qu'une délégation de la souveraineté à titre précaire. Précaire, précaire. Mais c'est cette précarité qui nous a tués. Allons, la guerre leur aura peut-être fait découvrir un devoir qui, en somme, est simple. La force d'abord. pour la justice dès que possible et pour la paix plus tard. Vous voilà presque optimiste pour une fois. Optimiste? J'espère bien que non. Le pessimisme fonde tellement mieux la résolution. Il faut être l'énergie pour servir la fierté de contredire le destin. On n'est jamais assez optimiste parce qu'on s'enferme dans le temps présent. On n'est jamais assez pessimiste parce qu'on cherche toujours à échapper à la brutalité des courages qu'exigera le temps futur. Ces maximes sont faites pour le bronze. Nous voilà grandiloquents. L'effet de la fatigue, sans aucun doute. Il n'est pas impossible que nous ayons l'occasion de poursuivre cette conversation demain. Il semble en effet que les circonstances et nos maîtres... Nos maîtres provisoires. Provisoires, mais visiblement tenaces et déterminés, doivent nous donner l'occasion de la poursuivre. C'est généreux. Décidément, nul n'est complètement mauvais. Eux le sont. Par exception, si vous y tenez. Je vais me coucher. Je ne dis pas dormir, mon tube de somnifère est vide. Je vous souhaite le bonsoir. Bonjour, Mandel. Bonjour. Alors, votre partie de golf ce matin? J'ai fait mes six trous en défaillance. Rejoignez-moi donc. Ah non! Ma devise est celle de Churchill. Je l'ai entendu de sa bouche. No sport! Je trouve que c'est une excellente hygiène. C'est la mienne, en tout cas. Concentration ailleurs de toute l'énergie. Courage paradoxal contre divers conformismes. Je vous abandonne ce courage-là. En tout cas, mon rhumatisme du bras m'a fait grâce, et la pomme de pin frappée par mon bâton a été moins fantasque que d'ordinaire. Sauf quand elle a sauté dans mes plantations de persil et de cerfeuil. Pour le reste, gentiment bienveillante, je n'ai pas heurté la palissade, ce qui m'a évité les borborygmes des gardiens. Votre habileté ou bien le hasard ? Et l'efficacité du chef puisée dans sa solitude, qu'est-ce que vous en faites? Vous oubliez notre conversation d'hier soir? J'y ai beaucoup pensé cette nuit. Les chiens ont aboyé plus que d'ordinaire. Et les vents venaient du camp et portaient les odeurs. Remugle d'enfer. Et rappel de notre impuissance. Impuissance provisoire. Les rebonds aléatoires de votre pomme de pin évoquent exactement ceux du ballon de rugby. Ah, le rugby. Vous me rappelez Narbonne. Quand j'y ai débarqué pour mon élection de 28, j'ai eu de la peine, malgré mes efforts, à cacher l'ennui que me causaient ces matchs interminables sous le soleil. Les camarades l'ont compris. Décidément, vous mentez mal. Et ils m'ont dispensé de la corvée. Bien fait de la franchise, comme vous voyez. Chez moi, dans ma circonscription, en Gironde, il n'aurait pas été question que je m'en dispense, le Parisien. J'aurais essuyé trop de brocards. D'ailleurs, après quelque temps, j'ai trouvé du plaisir au spectacle. Je m'en suis d'abord étonné moi-même. Et puis ? Et puis j'ai compris que ce qui m'intéressait dans ce jeu, c'était la dialectique de l'individuel et du collectif. Et plus encore, les rapports entre le hasard et la volonté. Détermination du coup de pied, incertitude du rebond. Me permettez-vous la franchise d'une inquiétude ? Je vous en prie. Voilà bien des mois que nous conversons. Il m'est arrivé souvent, comme à l'instant, de me demander si au fond vous n'aimiez pas plus dans l'action la joie du mouvement plutôt que l'accomplissement du but. Confidence pour confidence. Je me suis souvent demandé de mon côté si vous aimiez assez le pouvoir pour avoir une chance sérieuse d'atteindre vos objectifs. Ne confondez pas le recul instinctif devant les responsabilités et le refus de les assumer. Ne pas douter de ses forces au moins un instant, quelle forfanterie. Je me souviens de votre propos en 36 devant vos camarades socialistes au moment où vous deveniez chef du gouvernement. « Je ne vous dirai pas repousser de moi ce calice. »« Vous voyez bien. » »« J'ai trouvé que c'était une étrange dénégation tout de même. La chance d'agir était enfin à portée de main et il vous fallait vous défendre contre le risque qu'on croit que vous n'en étiez pas heureux. »« Heureux. » »« Mais bien sûr que le bonheur n'était pas là. » »« À peine quelque chose comme une satisfaction angoissée. » J'aurais jugé d'ailleurs au fond que l'allégresse aurait été plus qu'incongrue, malvenue, inquiétante, en somme condamnable. Ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est que le cœur d'un honnête homme qui accède à une grande charge ne s'arrête pas un instant de battre. À l'idée des contraintes morales et des exigences douteuses qu'implique l'action politique, qu'elle implique toujours, les fins et les moyens. Sujet de Bachot. Défi lancinant. Attendez. J'ai trouvé un vieux disque français dans cette pile. Dieu sait comment il a échoué là. Il va vous amuser. Écoutez donc, il s'agit d'un français moyen et de fraude fiscale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette vulgarité me blesse. Ce n'est pas notre peuple. C'est dégoûtant mais nécessaire. Oh. J'observe que Jaurès, en tout cas, ne s'est jamais confronté à la question des fins et des moyens puisqu'il n'a pas voulu du pouvoir. Pas voulu du pouvoir ? J'en suis moins sûr que vous. Il l'a frôlé au début de 1914. Je rêve à ce qu'il aurait pu y faire. J'y pensais tous les jours en 36. Et je fais un acte de foi. Il ne se serait pas sali les mains. Je vous laisse à cette belle conviction. Je la nourris en moi. Et j'en ai besoin. Elle est au cœur de l'idée que je me fais de la gauche et du socialisme. Même à Moscou ? Oh, Moscou. C'est la preuve à contrario. Les dévoiements d'une idée par des passions égarées ne suffisent pas à la disqualifier. Inquiété sur ses ressorts, tout de même. Angoisse, non. Vigilance, oui. Et longue patience. Quand le mouvement ouvrier s'est coupé en deux en 1920, je n'ai dit que cela, au fond. Mais je l'ai dit. Des brebis égarées, oui. Je sais, pour qui vous gardiez la vieille maison. Était-ce assez ? Staline est un despote sanglant. Stalingrad n'y change rien. Non, des brebis perdues, irrécupérables. Elles ne sont jamais revenues, n'est-ce pas ? Dans la vieille maison. Je ne leur fermerai jamais la porte. Le nom de Jaurès confisqué tous les jours que Marx fait pendant 20 ans à la première page de l'Humanité communiste. Une douleur. Un scandale. Une attente aussi. Quand je pense que dans le même temps, vous et vos amis, vous vous permettiez d'exclure Clémenceau de votre gauche aux mains pures... Oh, épargnez-moi, Peggy. Alors disons de votre gauche aux mains nettes. Ce que vous ne lui avez pas pardonné, c'est d'avoir fait respecter l'ordre républicain. La droite exaspérée a mieux compris que vous qu'elle en perdait du coup un de ses arguments les plus confortables. D'ailleurs, quand on parle des moyens, il ne faut pas confondre la pureté et la faiblesse. C'est la tentation permanente des analystes en chambre. Je les abandonne à leur confort. Vous vous obstinez décidément à assimiler la gauche à l'impuissance ? J'ai détesté trop souvent d'avoir à le faire. Mandel, vous êtes offensant. Pour moi peut-être, et surtout pour tant de militants magnifiques. Mon combat a longtemps consisté tout entier auprès de Clémenceau à protéger la gauche contre cette impuissance même. Ensuite... Oh, quelle forfanterie. Mais surtout, quelle gageure. Et c'est ainsi qu'armé d'une telle ambition, le principal collaborateur du Tigre, un certain Georges Mandel, s'est trouvé en 1935 ministre dans un gouvernement présidé par Pierre Laval. Je vous en prie, ne soyez pas anachronique. Je vous en prie, ne soyez pas aveugle. La vie des hommes n'est pas colorée rétrospectivement par la fin de l'histoire. Il existe pourtant des dérives entamées de longue main. Et aussi d'étranges têtes à queue. Il se trouve que Laval, en 17-18, m'avait aidé à assurer à Clémenceau le soutien discret des socialistes. Car il était alors socialiste, comme vous-même, monsieur le président. Je vous concède que le Laval de 35 n'était pas tout à fait le triste sire d'aujourd'hui. Mais il n'était plus non plus le jeune député qui avait été propulsé 20 ans plus tôt à la Chambre par ses plaidoiries courageuses en faveur de militants persécutés. Et qui est-il donc en 35 ? Il est le chef enrichi de toutes les forces qui s'arc-boutent contre les générosités sociales, celles que porte le Front populaire en marche. Les banques, les industriels, les armateurs... Vous exagérez leur cohésion. Je n'exagère pas l'argent répandu. Le comité des forces... Oh, vous mythifiez sa puissance. Peut-être, mais pas ses moyens. Les journaux à grand tirage... Et le temps, et les débats... Vous grossissez leur influence. Mais sûrement pas leurs allégeances. Discrètes ou secrètes. En somme, de tous ces maîtres de la France égoïste et frileuse, j'ai été, si je vous comprends bien, monsieur le président, le valet. Le valet est pire que le maître. Mais non, Mandel, je ne dis pas cela, mais... Mais... Il me semble qu'il vaut mieux que nous en restions là. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Ah, heureusement vous revenez. Mon vieux, je n'ai pas voulu... Et moi, vous croyez que j'ai aimé être rejeté de la sorte vers cette droite-là, telle qu'elle était après la victoire ? Est-ce ma faute si à peine Clémenceau, chassé par la coalition des envies et des médiocrités, toute la gauche a dilapidé son héritage diplomatique? Oh, pour lui, ce fut cruel, bien sûr. Mais il était au bout de sa course. Et après tout, les vieillards ne s'étonnent guère d'être trahis. Il arrive même qu'ils soient secrètement soulagés de pouvoir dénoncer la suite qui continue sans eux. Il s'est fait voyageur et amoureux. La politique n'était pas tout pour lui. Mais pour vous? Pour moi, oui, elle était tout, tout, tout. Qu'avons-nous donc vu? La France victorieuse, au lieu de tenir un cap clair, zigzaguer au hasard des vents en face de l'Allemagne. La gauche a choisi l'indulgence et la subordination à l'Angleterre. Herriot et les radicaux sont allés d'abandon en abandon. Ils ont joué, et nous aussi, les socialistes, le jeu de la confiance dans l'Allemagne démocratique. Ce qui était la meilleure chance, la seule chance qu'elle existe vraiment. Oui, mais seulement, comme on a fait alterner les moments de conciliation et ceux de la coercition, on a perdu sur les deux tableaux. Ni efficacité dans la rigueur, ni conviction dans l'amitié. Je l'ai dit, je l'ai crié. Et du coup, les gauches parlementaires m'ont condamné à me faire élire hors de leur camp. En Gironde, elles m'ont combattu. Et j'ai détesté cette mécanique qui me rejetait dans une famille où je n'avais aucune connivence profonde. Ni avec ses sensibilités, ni avec ses réflexes, ni avec ses intérêts. Je le crois, Mandel. Et je le comprends mieux depuis notre année de compagnonnage. Mais il faut dire qu'au Parlement, au gouvernement, vous cachiez assez bien cela. Et comment donc? C'était un devoir impérieux de n'en rien montrer. Par habileté? Mais non! Par fierté! Tiens, quelle courtoisie. Il frappe à présent. Vous voyez, je l'ai dressé. J'ai bien fait d'être rude et de lui renvoyer son Voltaire au visage. Il a l'air malheureux, mais pas agressif. Pour l'instant, je préfère ça. Pas pour lui, pour nous. Je vous dérange. Pardonnez-moi. Je viens d'apprendre une nouvelle importante. Der französische Informationsminister wurde heute, am frühen Morgen, in Paris, in seiner Wohnung, von Terroristen schamlos umgebracht. Die Mörder wurden bis jetzt nicht gefunden, aber die Polizei glaubt an ihre baldige Festnahme. Que dit-il, que dit-il? Wer? Henriot? Tot? Jawohl, mein Herr. J'ai bien compris? Je crois que oui. Philippe Henriot. Mitraillette. Si vite. Votre vœu est réalisé, je dirais même exécuté. Chez les anciens, on aurait dit que vous aviez la pensée magique. Si j'avais ce pouvoir, j'aurais visé plus haut. Juin. La date est importante. Pour la France, relativement. Pour la collaboration, sûrement. Et pour... Vous alliez dire, pour nous? Pour nous autres otages, comment dire? Mauvaise impression. L'impression, oui. Mais la réflexion nous rassure. Voyons, raisonnant de sang-froid. Hitler sait bien qu'il peut avoir besoin de nous. Comme monnaie d'échange pour les siens, à toutes fins utiles. Nous avons passé indemne l'époque qui a été la pire, quand il croyait encore l'emporter. À présent, nous lui sommes devenus plus utiles. Je crains plutôt Pétain, si nous lui sommes livrés. Il nous hait, vous et moi, et toute sa camarilla avec lui. Il vous hait parce que c'est l'armée qui a perdu la guerre et pas le Front populaire, et parce qu'il sait que vous le savez. Il me hait parce qu'il avait pu me croire de son camp avant la guerre, et parce que je lui ai fait manger son chapeau à Bordeaux en juin 40. Il m'avait fait arrêter en se fondant sur la dénonciation d'un salopard, Je l'ai obligé à s'excuser par écrit. Cela ne s'oublie pas. Hitler peut calculer de sang-froid pour ce qui nous concerne, mais pas Pétain. Quelqu'un a dit que les intérêts transigent toujours, les passions jamais. Sous son enveloppe de fausse dignité, ce vieillard n'est plus qu'obsédé de lui-même, remâchant ses haines recuites. Ah oui, décidément mauvaise impression. Mais il sait bien que les Américains... Il pouvait espérer leur soutien il y a quelques mois encore. À présent, il a passé le point de non-retour, alors... Il y a toujours quelque chose à gagner. Il saura le comprendre. Je le crois et je l'espère. Je le crois parce que je l'espère. Vous le croyez parce que vous l'espérez. Pardonnez-moi, mais cette formule me paraît aussi dangereuse qu'elle est absurde. Elle a pourtant éclairé toute ma route. Et moi, au contraire, j'ai toujours pris grand soin en politique de ne pas me persuader que surviendrait ce qu'il m'arrivait de souhaiter. Au contraire. Eh bien, je préfère me tromper à ma manière plutôt qu'à la vôtre. C'est plus entraînant. Ou plus aveuglant. Vous vous rappelez la devise des radicaux avant 14 ? Le parti des réalités tangibles et des espérances illimitées. Deux données incompatibles, en réalité, et formant par conséquent un couple désastreux pour l'autorité. L'autorité qui ne fait pas rêver, je n'y crois guère. Trop sèche, inhumaine au fond. Les promesses inconsidérées sont le plus grand poison pour la République. Je me demande même si leur multiplication n'a pas été une cause centrale de son effondrement. Le phénomène s'est aggravé après 18. Il y a eu un effet désastreux de la victoire. Puisqu'on avait gagné dans le cadre de ce régime, celui-ci était légitimé en même temps que ses vices. Et tout deviendrait possible sans effort. L'Allemagne paiera. Funeste fumisterie. Je ne pensais pas aux espérances de la vengeance, mais à celles de la générosité. Elles se confondent. Et comme les périls augmentaient au dehors, les vérités les plus dérangeantes s'imposaient à tous les gouvernements de plus en plus vite, et par conséquent, s'ils prétendaient durer, cela devenait aussitôt une offense au Parlement. Celui qui a préféré Deschanel à Clémenceau pour l'Élysée. Deschanel, le pauvre bougre. Lui, c'est à son tailleur qu'il demandait son autorité. Prince des élégances, on a vu le résultat. Ne généralisez pas trop vite. Oui, oui. C'était une affaire de système plus que d'individu. Le Parlement concentrait par nature, vous le savez bien, les fameuses espérances illimitées. Et naturellement, l'instabilité des gouvernements s'est accélérée. Ce poison ne pesait pas seulement sur la volonté intime que les ministres pouvaient avoir d'agir. Il minait aussi leur autorité. Derrière le front courbé des fonctionnaires, je n'avais pas de peine à lire. J'en ai tant vu derrière ton bureau, des gros et des maigres, des petits et des grands, des pâles et des rougeaux. J'en ai tant vu qu'après peu de temps, je ne les ai plus vus. Alors tu peux toujours causer. Je trouve curieux que vous disiez ça, vous, tel que vous êtes. L'autorité, vous l'aviez. Chez les socialistes, et vous le savez bien, nous vous accusions plutôt d'autoritarisme. Il fallait bien que je compense, en parlant fort, la certitude qu'on avait dans les bureaux que je n'étais que de passage. Et comment auriez-vous pu vous dispenser de dessiner de l'espoir ? Ma règle à moi, c'est de refuser les nuées. Ce n'est pas de régler systématiquement son compte à la chance d'un monde amélioré. Les citoyens ne peuvent pas savoir tous leurs désirs possibles quand on n'a pas encore proposé d'objets nouveaux à leurs aspirations confuses. Eh bien, vous voyez que nous nous rapprochons. Ça doit être un effet d'ambiance. La condition, c'est qu'on soit sûr qu'on n'en a pas trop rabattu sur les espérances pour s'adapter aux réalités. En 36, c'était mon souci obsédant. Avant même la guerre d'Espagne qui nous a glacés. Et c'est alors que votre autorité, qui était grande, vous avez dû la consacrer tout entière à ne rien faire. Et à l'expliquer aux vôtres. Quelle amertume. Mais parlons plutôt de la vôtre. D'autorité. Je me souviens de vos gestes spectaculaires quand vous êtes arrivé au PTT en 34. Vous aviez fait un éclat dans un bureau de poste trop nonchalant. Vous étiez resté anonyme d'abord et puis Vous aviez révélé qui vous étiez, pour faire tomber la foudre. J'avais demandé, je me souviens, le 7 à Saint-Tropez. C'était le numéro de... C'était un numéro pris au hasard. La demoiselle, derrière la vitre, m'a enjoint de patienter. Et puis, elle a continué de se repeindre les ongles en commentant avec sa voisine La Grande Semaine du Blanc et le dernier film de Greta Garbo. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil sans paraître me voir, je me sentais transparent. Passe entre mes regards sans briser leur absence, comme passe le verre au travers du soleil et de la raison pure épargne l'appareil. Valérie. Finalement, elle m'a expliqué que puisqu'il était 14h45, le bureau de Saint-Tropez serait sûrement fermé. Je n'avais qu'à revenir le lendemain. C'est alors seulement que je me suis nommé. Stupéfaction, ébranle-bas de combat. Chez Mussolini, en italien, ça se traduit par panica generale. J'ai demandé le directeur du bureau de poste, qui n'est arrivé qu'après un long déjeuner. Café, épouse café. Il a essayé de charger la malheureuse préposée. Il était misérable. Je l'ai révoqué sur le champ. Et naturellement, il y avait un journaliste qui passait par là par hasard. Naturellement. J'ai l'impression, en somme, que vous avez laissé votre enthousiasme retomber en férocité. Ne confondez pas, s'il vous plaît, l'autorité avec la férocité. Mais c'était le système qui était responsable, bien plus que ce malheureux. Ah, encore ! Toujours cette abstraction ! Toujours cette indulgence ! Mais on y revient toujours ! Il n'y a pas de système sans les hommes. Pas d'effet statistique. Des individus libres et les choix de leur liberté, l'un après l'autre. L'indulgence, la tendresse, je connais bien ces mots-là, mais je ne les aime pas. Ils sont tout proches de la compromission. La politique déteste les abandons, les confidences, les connivences moites. Que nul n'entre ici s'il n'est impassible. Vous voulez dire inhumain ? Le bel avantage. Quelle rigidité. Inquiétante. Et puis, pardonnez-moi, on m'a raconté la manière dont, en arrivant dans l'équipe de Clémenceau à l'Aurore en 1902... En 1903. La manière dont vous vous étiez imposé. Les ambitieux étaient plusieurs, vous êtes sortis du lot. Dites-moi si je me trompe. On raconte que vous aviez tellement bien appris la liste des articles de Clémenceau et leur contenu qu'il pouvait vous feuilleter comme un recueil de ses œuvres. Sans compter les statistiques électorales, la cartographie des réseaux d'influence... Mais tout cela, je l'avais emmagasiné sans peine, en tout cas avec bonheur. Si peu de choses comptaient pour moi ailleurs. La politique m'a aimanté depuis mon enfance. Aussi loin que je me souvienne, exigeante, centrale, obsessionnelle. Mes camarades collectionnaient les timbres ou les coléoptères. Moi, je préférais découper les journaux. Coller les discours sur des grands cahiers. Vous voyez, servir Clémenceau, c'était me porter tout de suite au plus haut de l'action publique. Pas un jour, je n'ai cessé d'admirer son énergie intime et cette capacité qu'il avait de ne jamais être dupe, de ne jamais cesser d'être libre en face de toutes les contraintes. Cette liberté, il l'a portée jusqu'à l'incohérence, trop souvent à mon goût. Comme s'il avait craint de se sentir soumis même au bon sens ou à l'équité envers les hommes. Je me souviens de ce préfet du Nord qu'il avait voulu révoquer. On lui a dit que c'était une injustice et qu'il s'était bien conduit lors de l'invasion allemande. Alors qu'on le décore. C'est exact, il s'agissait du préfet. Enfin, inutile de le nommer. En somme, c'était n'importe quoi, pourvu qu'il paraisse agir. Quelle légèreté, au fond, dans cette manière de jouer avec l'honneur et la vie des gens. Non, non, je ne me résous pas à prouver ça. Gouverner, c'est paraître. Le symbolique permet ensuite de renforcer l'essentiel quand le moment en est venu. Clémenceau l'avait compris, il me l'a appris. Encore lui. J'ai eu bien tort de ne pas prévoir de gage pour vous aussi. Trop tard, trop tard. J'ai tiré le premier. Je déjeunerai dans ma chambre. À ce soir. Et d'ici là, rêvons encore au café de la paix. Mais pas trop fort. faites-vous dans cet équipage? Il faut être prêt toujours. Manière de servir sa liberté intime. Il s'agit qu'elle survive contre les contraintes de la force. Le pire n'est pas certain, gardons notre sang-froid. Mon sang-froid est entier. Il n'exige pas l'aveuglement. Le message de Himmler est ambigu. Vous trouvez? Ce malheureux Hans s'était si embarrassé tout à l'heure quand il est revenu nous voir une seconde fois pour nous le transmettre qu'il a ajouté de l'obscurité à l'obscurité. Vous trouvez vraiment que le texte n'était pas clair? Allons, allons. Des terroristes criminels ont tué un grand patriote français. Point. Le Reich s'en indigne. Point. Un détachement de SS vient chercher l'un de nous deux pour le livrer aux autorités françaises afin de châtiment. Point final. Il est vrai que, résumé comme ça... Nous sommes d'assez grands garçons pour ne pas nous fermer les yeux. J'ai souhaité devant vous cette mitraillette et ce sang versé, celui d'un traître. Je constate cette décision de représailles. Ce sera vous ou moi. Vous devriez faire vos bagages. Pour devancer leurs vœux? Non! Pour les priver, eux! Du bonheur, de la contrainte. Sans compter quelques avantages pratiques. Si on vous bouscule tout à l'heure, songerez-vous à votre pierre d'Alain? Et si vous l'oubliez, que ferez-vous si vous vous coupez en vous rasant? Eh bien, j'en serai quitte pour me laisser pousser la barbe. Vous m'imaginez, barbu? Difficilement. Et pourtant, un attribut ordinaire des otages. Dans la dernière longueur. Liberté du poil. Et pourquoi pas? Comme toutes les autres, elle exige le combat. Glabre ou moustachu, tondu ou barbu. C'est une comptine? Non, c'est un défouloir. Je me souviens d'une conférence que le vieux Francisque Sarcey était venu nous faire à l'école normale. Ce devait être dans l'hiver 1890-91. Le cloître de la rue d'Ulme manquait de cocasse à mes yeux. J'ai d'autant plus goûté le propos de Sarcey. Farfelu, à moitié conscient de l'être. Il a passé une heure à nous raconter la bataille de la barbe. De la barbe? L'affaire remontait au début du Second Empire. Sarcey était jeune professeur à Chaumont. C'est le moment où le ministre de l'Instruction publique, le fameux Fortoul, avait prétendu interdire le port de la barbe à tout son personnel, sauf naturellement la mouche à la manière de Napoléon III. Il voyait dans la barbe, disait-il, une chose bizarre et de mauvais goût, un symbole d'anarchie et presque une profession de foi des ennemis de la société, formule d'époque. Juste analyse, voyez la barbe de Jaurès. Je ne relève pas. L'anarchie est fille du capitalisme, non du socialisme. Naturellement, les opposants résistaient, tapis, comme ils disaient, derrière leur fourrée de barbe. Le poil se raccourcissait sur les mentons républicains quand l'oppression ministérielle gagnait du terrain, et il se rallongeait dès que l'ingéniosité démocratique réussissait à élargir les limites qui l'enserraient. Et finalement? Eh bien, finalement, l'Empire est tombé. Il me semble que Bismarck a pesé plus que Francisque Sarcey dans cette issue qui est survenue, d'ailleurs, je me permets de l'observer, 2 décennies plus tard. Je vous le concède. Mais accordez-moi que les relations du poil et de la politique, trop négligées par la science, mériteraient une étude approfondie. Un traité. Une thèse en Sorbonne. Un colloque international. Et pour finir, une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. J'imagine ces joyeux drilles. On y honorerait la barbe à la pointe carrée. Bien taillée, comme c'était l'usage au barreau, bien lissée, comme la sagesse étroite du personnage, comme son égo contraint. orléanistes libéraux et républicains modérés. Il y a eu aussi la barbe blonde du général Boulanger. Elle a fait partie de sa propagande. Il a d'ailleurs construit sa popularité dans l'armée au ministère de la guerre en autorisant les sapeurs à porter la barbe. Savez-vous qui a été le premier chef du gouvernement entièrement rasé ? Pas moi, hélas. Je parle du passé, Mandel, pas de l'avenir. Paul Boncour ? Daladier ? Tardieu ? Oh, Tardieu, non, il avait encore une petite brosse sous le nez, non. Daladier, je crois. Le premier représentant de la génération des combattants. Est-ce parce que les époux s'accrochent aux poils dans les tranchées ? Peut-être plutôt parce que la lune s'y reflète dangereusement la nuit, devant les fusils ennemis. Ou bien parce que... Quelle étrange conversation. Comment pouvons-nous... Comment pourrions-nous ne pas ? Oui. Je sais. La peur du silence. La peur est ailleurs, pas dans le silence. Mais peut-être que seul le plus futile nous reste. Maintenant que les mots ne peuvent plus rien changer aux choses. Oui, toute notre vie, nous avons mobilisé les mots, vous comme moi. Pour créer, pour résister, pour agir. À présent, le destin est ailleurs, et il est sourd. Alors, parler ou se taire, quelle importance. Mais si, c'est important. Il faut parler jusqu'au bout. Le poil qui combat. Il peut être comique, mais il n'est pas dérisoire, et il ne l'est pas ce soir. Il faut parler de liberté sans relâche, celle qui nous reste à l'intérieur, en nous-mêmes. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres. Le bois retentissant sur le pavé des cours. Essayons de voir si la radio en dit quelque chose. La Valkyrie. Attendez. C'est beau. Mon frère. Mon petit frère. Aimait tant. Lui qui... Quand... Non, Wagner, non, pas maintenant, non. Oh, laissez, je vous prie. Oh non, pas Wagner. Je ne vous comprends pas. La beauté n'est pas nazie. Tout n'est pas politique. Tout est politique. Ici, aujourd'hui, en tout cas, tout est politique. Choisissons plutôt... Il faudrait le chant du départ, il n'est pas là. Voulez-vous que nous reprenions une partie de billard? Deux maladresses face à face. Deux émotions. Une partie. Non, non, pardonnez-moi. Je ne pourrai pas. Refus-t-il aujourd'hui? Non, ce n'est pas cela, c'est autre chose. Quoi donc? Je n'ai pas le goût, juste maintenant, de mimer un affrontement avec vous. Ah. Il y a un an, en arrivant, je nous croyais plus loin l'un de l'autre que... Politiquement? Oui, c'est-à-dire humainement. La gauche et la droite. Oh non, non, c'est trop simple. D'ailleurs, la droite est ailleurs. Elle n'aime pas la République. Convertie, tout de même, pour une part, par vagues successives. Oh, fragile conversion. Voyez comment 40, le voile s'est aussitôt déchiré. Et puis pour le billard, il y a une autre raison. Je crois qu'en cet instant, je n'ai pas envie de consentir à la boule la part de hasard que ma maladresse lui concède généralement aux dépens de ma volonté, au bout d'un morceau de bois. Décidément, mon cher, vous avez le billard bien abstrait. Aimez-vous le poker? Bigre non. Tromperie. Bluff et appât du gain. Moi, j'y ai appris beaucoup autrefois. Et quoi donc? J'y ai appris ce qu'un esprit clair et aventureux peut imposer à la fortune contraire, dans un environnement hostile. Et aussi les cas nombreux en sens inverse où la malchance accable la vaillance et l'imagination. Toutes les ressources de la volonté et de la ruse s'y emploient en vain. Il ne reste plus qu'à porter beau. Le défi, le devoir, à chaque moment, c'est de discerner l'ampleur exacte de ce que les circonstances concèdent de liberté à la lucidité et à la détermination des responsables. Bravo. À chaque instant, en effet. Mais à la minute suivante, surgit l'inattendu, toujours. Sous l'effet d'une chaîne de causalité qui échappe à la série logique, où une détermination a pu s'inscrire... Alors le désarroi? J'aime mieux dire... le suspens. Jeu du héros, presque divin. Réagir à la situation nouvelle en y pliant la pensée constituée depuis longtemps. Rien n'est possible sans elle. Ductilité et constance, rude tension. Quand la guerre d'Espagne a surgi inopinément en juillet 36, vous... Oui, j'ai éprouvé cela, violemment, cruellement. Parfois la nuit, pendant les insomnies, vous savez, quand l'oreiller se change en tesson de bouteille sous la joue. Ah oui, je sais. Eh bien, je me demande encore si je n'aurais pas pu forcer le destin en juillet, aussitôt après le pronunciamento, pour aider les républicains autrement que par des aides quasi clandestines, en argent, en matériel, en avion. Des aides qui sont apparues comme des alibis pour une impuissance, forcément. Et par là, comme un concentré d'honneur et de honte. Étrange mélange, étrange alchimie. On ne peut guère douter, avec le recul, qu'une intervention aurait été l'intérêt de la France, sur le long terme. Bien sûr que si, on peut en douter. Sur le long terme peut-être, mais seulement toutes choses égales d'ailleurs. À court terme, un désastre probable. Et la certitude qui chaque fois s'impose à moi, aussitôt que le jour se lève et qu'il chasse les obsessions de la nuit. Toutes choses égales d'ailleurs. Rebus sic stantibus. Vive le latin. Oh, ne vous y fiez pas. J'ai appris par cœur adolescent les pages roses du Larousse. Telle est ma teinture, mon faux semblant. Rien qui rattrape le temps perdu. Les versions et les thèmes que je n'ai pas faits. Rebus sixtantibus. Mais justement, les choses ne sont jamais égales d'ailleurs. Un intellectuel peut jouer à le croire, mais dans l'action. Il me revient une phrase de Jaurès. Ah ! Qui disait qu'il est toujours permis à l'histoire d'opposer des hypothèses au destin. C'était à propos de la Révolution. En effet, l'exercice est salubre. Pas seulement en termes intellectuels, en termes pratiques aussi. Pour éclairer le possible qui n'a pas été accompli. Et qui pourrait l'être en une autre circonstance. À condition de ne pas se tromper sur le possible, ni sur les enchaînements ultérieurs. En juillet 36, les radicaux Daladier et Rio ne m'auraient pas soutenu. Et si j'avais décidé l'intervention en Espagne, mon gouvernement aurait éclaté. Moi, évidemment, j'aurais eu en prime bonne conscience et belle âme, mais l'impuissance aurait été la même. Et les réformes sociales compromises. Il aurait été impossible, vous en êtes vraiment sûr, de convaincre les radicaux? Je le crois. D'ailleurs, de toute façon, les Anglais n'auraient pas suivi, et les radicaux nous le rappelaient. À Londres, les milieux dirigeants étaient encore loin à l'époque d'avoir découvert que Hitler n'était pas un gentleman. Et puis, ni le Duce ni le Führer n'auraient pu laisser écraser Franco. En face d'eux, qu'aurait fait la France seule? À partir de là, place à l'Uchronie. L'Uchronie? Le récit fictif de ce qui n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu arriver si tel événement, telle décision avait été autre. Affaire de bifurcation, en somme. Renouvier a inventé le mot à l'époque de Napoléon III. Une idée de philosophe. Une belle idée. Il avait imaginé que les chrétiens aient vu leur secte s'étioler et disparaître comme tant d'autres venus d'Orient. Puis il avait raconté l'histoire imaginaire de l'Europe qui aurait été ainsi déterminée tout autrement. Plus raffinée ou plus barbare? Renouvier était anticlérical, donc? Donc plus harmonieuse. La difficulté, c'est que dès qu'on abandonne les rivages du réel, chaque hypothèse peut se diviser. Et que l'efflorescence des innombrables possibilités devient effrayante. On ne peut plus maîtriser cette profusion. Si Franco était mort d'apoplexie à l'été 36, le cours de la guerre d'Espagne n'aurait guère changé. Et le dictateur remplaçant aurait surgi facilement. Pour Hitler, c'est autre chose. Pour Mussolini aussi, peut-être, à l'époque. Et donc, si vous aviez pu forcer le sort, et si la France était intervenue en Espagne, que se serait-il passé? J'ai deux hypothèses à opposer au destin. Première possibilité, les républicains l'auraient emporté grâce à nous. Et nous aurions été mieux placés quand aurait éclaté, plus tard, la guerre mondiale. Mais cela suppose que les dictatures fascistes soient restées au balcon. Et aussi Staline. Invraisemblable. Les despotes ne pouvaient pas se permettre de rester passifs, ni au-dedans, par rapport à la machine de leur pouvoir, ni au-dehors, aux yeux de leurs vassaux et de leurs protégés. Par conséquent, la guerre aurait éclaté plus tôt, les antagonistes, eux et nous, étant moins réarmés. Mais l'Angleterre restant probablement spectatrice, et à plus forte raison les États-Unis. L'issue s'annonçait sombre. Allons, décidément, vous avez droit à votre sérénité de l'aube. Qui n'étouffe jamais complètement, vous le savez bien, les doutes de la nuit. Ne vous plaignez pas. Je trouve bien pire le souvenir des moments où, seul, en face de soi-même, on a pu choisir sans entrave, sans carcan, et où on s'est trompé de chemin. Un choix n'est jamais abstrait. Il est toujours engoncé dans les circonstances. Oh, elles ont bon dos, les circonstances. La seule chose qui compte, c'est le oui ou le non, face à soi-même. Et alors, croyez-moi, plus de force profonde. Mais si, celle d'une psychologie individuelle et collective, déterminée lentement par une formation, une culture, des influences. Il n'y a pas de déterminisme quand il s'agit de trancher. À l'heure près, à la minute près. Savez-vous bien pourquoi je suis ici, à tourner dans cette cage, à attendre? Attendre ce que nous savons et ne savons pas. L'effondrement de la troisième, la barbarie du nazisme, l'ignominie de Pétain. Bien sûr, mais pourquoi ont-ils pu me saisir au collet dans ce mois de juin 40 où tout s'est joué? Tout s'est joué en quelques jours! Et pendant ces semaines-là, j'ai toujours été à contre-temps. Cela n'était pas inscrit dans les astres. Taraudant. Je connais votre équipée au Maroc. À contre-temps, toujours à contre-temps. À Bordeaux. Deux fois, j'ai refusé de prendre un avion qu'on me proposait vers Londres. Celui qu'a pris De Gaulle ou un autre. Deux fois. J'étais encore aveugle sur Pétain et sa clique. J'ai cru qu'il porterait la guerre en Afrique du Nord, ou qu'en tout cas, il l'y encouragerait. Ma place était donc là, plutôt qu'en territoire étranger. En tout cas, je l'ai pensé. D'où le Massilia. Quand je pense que je m'étais moqué avec Clémenceau de ces généraux avantageux qui voulaient rejouer une victoire antérieure, en appliquant la même manœuvre à un autre ennemi dans un autre champ de bataille. Panne de l'imagination, paresse de la lucidité, échec certain. Et moi? Et vous? Et moi, en juin 40 à Bordeaux, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Ah, j'en veux à Danton pour cette formule. Bonne pour les manuels, pour moi ravageuse. Il parlait des émigrés au temps où la République était à Paris. En 40, elle n'y était plus. Je n'ai pas accommodé, comme dit mon oculiste. Danton. Est-ce seulement Danton? Plus encore Drummond, n'est-ce pas? La France juive. Moi aussi, j'ai choisi de rester. Danton n'explique pas tout. Il suffit bien. Mais non. Bien sûr. Vous ne vous trompez pas. J'avais tort tout à l'heure de faire le pharo. Mandel, ce soir, la France me manque. Elle me manque affreusement. La France tout entière. Mais Paris surtout, je crois, et cet endroit où mon île Saint-Louis, depuis ses quais, regarde Notre-Dame du côté de son chevet. Un peu décalé comme il convient, pour voir la beauté en relief. La dernière fois, des enfants jouaient dans le square. Revoir la France. Eh bien, demain, une chance sur deux. Ce que j'aime tant chez Jaurès, c'était entre tant d'autres traits. Oh, le café de la paix à présent. C'était un amour charnel pour la France, sa langue. Ses paysages, son peuple. Même son accent témoignait. J'y aimais le soleil. Amour charnel, un mot à la Barrès. Oui, et je l'emploie exprès. Jaurès avait ancré en lui précisément le sentiment que Barrès nous interdisait d'éprouver. Nous, les socialistes, ou bien... Nous, Les internationalistes, évidemment. Mais surtout, puisque vous y songez, n'est-ce pas, les Juifs. Je repense à votre angoisse de Bordeaux, à la mienne, à Vichy. Quel triomphe de la haine si elle est parvenue à instiller en nous deux, en vous et en moi, l'obsession de paraître n'être pas des patriotes. Avec sans cesse nos preuves à donner, nos papiers à sortir, notre surenchère à afficher. Cette haine-là, il est horrible de penser qu'elle a pu gagner sur nos âmes, même une seule minute. Les Juifs, Blum et Mandel, rejoignent leurs complices apatrides de la City et abandonnent à leur sort les vrais Français sous la botte. Oui. Nous avons sûrement eu peur de ces titres dans Paris Soir et dans l'Action française. Et à distance, j'enrage de cela. Vous vous souvenez du couplet qu'avait publié l'Action française le jour même de Munich, à chanter sur l'air de l'International. Qu'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros. Il faut que nos premières balles soient pour Mandel, Blum et Reynaud. En somme, nous avions des excuses, peut-être, quand le doute a surgi en nous. Je ne cherche pas des excuses, je cherche des explications. Si j'ai tant aimé la République, c'est aussi parce qu'elle nous donnait notre brevet individuel de Français. Clermont-Tonnerre le disait en 89. Nous accorderons tout aux Juifs en tant que citoyens, rien en tant que nation. Citoyens français, je ne voulais que cela, mais complètement cela. Longtemps, ça a été aussi mon credo. À présent, il m'arrive de retrouver, sous le fouet de la haine, la solidarité d'un peuple martyrisé. Oh non, non! Je vous en supplie, pas vous. Pas ça. C'est exactement le piège qu'on nous tend. Il n'y a pas de communauté juive. C'est le regard des autres qui nous y assigne. De gré ou de force. Je n'en veux pas, je n'en voudrais jamais. De force, oui, c'est odieux. Mais de bon gré. La fierté affichée de notre race, certes, oui. La fidélité à une grande histoire, oui, bien sûr. Mais rien qui nous fige, nous différencie, nous étiquette. Je suis français parmi les Français. Et il faudra bien qu'il s'y fasse. Non. Ne cédons pas d'un pouce. Sinon, d'un coup, tout se défera. Et alors, si notre combat était vain... Il ne l'est pas. L'un de nous deux, au moins, pourra le dire. Un jour. Deux pas en avant. Ah. Georges. Vous raconterez, n'est-ce pas? Vous êtes le seul témoin. À moins que le martyr... Adieu. Vivez. Georges. Merci. Ah non, pas ça, la gratitude. « J'aurais tant voulu. Merci. C'était L'un de nous deux, Blum et Mandel, 27-28 juin 1944, de Jean-Noël Jeanneney. Avec Bruno Raffaelli, Léon Blum, Jean-Gabriel Nordmann, Georges Mandel, Philippe Weissert, Hans, et les voix de Hélène Losseur, Martin Amic. Bruitage, Frédéric Antoine. Prise de son et mixage, Bernard Laniel. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès. L'un de nous deux, Blum et Mandel, 27-28 juin 1944, de Jean-Noël Jeanneney, est paru aux éditions Porte-à-Parole.